Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Un thème et quatre épisodes pour 59 minutes de radio Coups humains. Cette semaine, La vie de chantier, une série de Virginie Bloch-Lenné réalisée par Clotilde Pivin. Alors pourquoi on vous raconte ça? Parce qu'on a toujours voulu savoir ce qui se passe derrière les palissades, au-delà du panneau « Attention travaux », dans ce monde du bâtiment où l'obligation est de faire groupe et de jouer collectif. Et dans vos oreilles, aujourd'hui, le chantier des Halles, du béton tressé, des prouesses, un architecte admiratif, une explosion de l'italien, du polonais, Sainte-Barbe dans une niche, et une cérémonie joyeuse avec marraine, discours et applaudissements autour d'un tunnelier baptisé Valérie et de sa roue de coupe. Mais pour commencer, dernier épisode, on reprend tous en chœur. Les chantiers. Virginie Bloch-Lenné, Clotilde Pivin. Alexandrine Delfos, quel est votre métier? Quel est votre titre? Je suis chargée d'opération pour Grand Paris Aménagement et donc je suis en charge avec toute une équipe de la gestion de ce projet dans le cadre d'un contrat qu'on a avec la ville et le territoire. Qu'aimez-vous de l'atmosphère du chantier lorsque vous quittez votre bureau pour aller sur le site? L'atmosphère du chantier ici, j'ai un chantier dans le chantier, quoi. C'est-à-dire qu'on a un quartier qui est en chantier, on a des habitants qui sont ici. Et puis quand j'arrive à la crèche, c'est un plus petit chantier que les logements qui sont à côté. Mais ce que j'aime, c'est de voir l'avancée au fur et à mesure, de voir aussi, parce qu'on est sur un bâtiment qui est réhabilité, donc de voir comment on arrive à sublimer ce bâtiment initial qui est du début des années 1900, comment on arrive à le respecter, comment on arrive à le rendre aux normes aussi de ce qui est demandé par les services de la petite enfance. Et donc c'est ça qui est super, c'est de voir l'avancée de tout ça, tout le monde qui œuvre dans le même sens, et de commencer à voir petit à petit les résultats. Aujourd'hui, on sort du gros du chantier. En gros, une fois qu'on a mis le béton, qu'on a posé les murs et qu'on a posé les menuiseries, etc., et là, on arrive un peu dans le détail et ça va être encore hyper passionnant. On a, il y a deux semaines, validé des échantillons de couleurs avec la ville, le maire, donc ça prend sens, quoi. C'est-à-dire que moi, je suis là sur la crèche, je la suis depuis le début, depuis ses premières études, et c'est vrai que ça prend forme et c'est hyper plaisant, quoi. Priscille Joly, vous êtes architecte et c'est votre premier chantier ici sur le parc de Maison-Blanche. Premier chantier pour moi sur cette ZAC. Alors, je suis l'architecte de la crèche. Ça fait maintenant, je crois, 2 ans et demi que je travaille sur ce projet. J'ai fait plusieurs phases de conception, donc ce qu'on appelle l'APD, l'avant-projet définitif, le dépôt de PC, le PRO, donc c'est vraiment la dernière phase de conception, et puis le dossier de consultation des entreprises. Et le moment de passation des marchés de travaux où le maître d'œuvre accompagne le maître d'ouvrage pour la signature des contrats de marché, les marchés avec les entreprises. Voilà. Et depuis, je fais la direction d'exécution des travaux. Quel âge avez-vous ? 27 ans. Je vous le disais tout à l'heure, c'est fait, on résorbe les Halles. Maintenant que les dés sont jetés et alors qu'inexorablement, au début de la semaine prochaine, les démolisseurs vont ceinturer les pavillons de Baltar, de palissades en vue de leur démolition, ce projet moins ambitieux que ce qui avait été envisagé il y a quelques années et qui prévoyait de raser tout le quartier des Halles demeure tout de même très important. Il va pendant des années et des années réduire le centre de la capitale à l'état d'un énorme chantier. Oui, Yves Mourouzi, c'est précisément là une des critiques essentielles des défenseurs des pavillons de Baltar. Cette critique se révèle en effet assez fondée dans la mesure où l'on sait que les prévisions les plus optimistes fixent à 8 ans la durée des travaux. C'était jeudi soir, la dernière fois que les Parisiens pouvaient se procurer des fleurs aux Halles. J'étais jeudi soir à Paris et passé 8 heures du soir, j'ai pu voir les camionnettes des marchands qui s'en allaient pour ne plus revenir. 1969. Le prochain marché, lundi pour les fleurs coupées, mardi pour les fleurs en pot, aura lieu à Rungis, où les acheteurs particuliers n'auront plus accès. Alors, comme si désormais il devait y avoir pénurie de fleurs, des familles entières sont venues faire provision d'azalées, de tulipes et de plantes vertes. Jusqu'à 21h30, au pied de l'église Saint-Eustache, on se pressait pour acquérir un pot, vite enroulé dans une feuille de papier journal. Il ne s'agissait pas seulement de faire des économies, mais aussi d'emporter chez soi, comme un morceau de poésie, un souvenir, fût-il aussi périssable que le sont les corolles et les pétales. C'était l'adieu aux Halles, un enterrement où l'on n'apporte pas, mais d'où l'on emporte des fleurs. On est à la crèche. Ouais, sur l'équipement qu'on réalise, du coup, dont je vous parlais tout à l'heure, et qui est un bâtiment qu'on réhabilite, hein, on le voit, à la droite et à gauche, vous avez des nouvelles constructions de logements. Là, c'est la résidence étudiante dont je vous parlais. Et puis là, on est sur un bâtiment 1900 qu'on réhabilite totalement. Et donc, les compagnons que vous avez sur le chantier aujourd'hui, donc façadier, couvreur, et puis je pense qu'on a encore quelques compagnons du gros œuvre qui sont présents. Voilà. C'est assez incroyable de voir tout ce qu'on a projeté, tout ce qu'on a dessiné se réaliser. Et en même temps, il n'y a rien d'inattendu. Après tout, nous, architectes, on a un peu la chance d'être les premiers à pouvoir visiter un bâtiment avant même qu'il soit construit. On sait se projeter dans l'espace, on a les proportions, les dimensions, on est habitué à ça. Donc en fait, c'est à la fois étrange parce que ça se met en place doucement, mais c'est en même temps très familier. Le fait que vous soyez une femme sur un chantier où les conducteurs de travaux sont des hommes, où les compagnons sont des hommes, est-ce que vous changez de comportement en arrivant sur le chantier ? Alors c'est un a priori que j'avais en arrivant, enfin voilà, comme c'est mon premier chantier, je savais pas trop comment ça allait se passer. Très honnêtement, tout le monde est plutôt bienveillant et je me pose pas trop la question, j'avance comme ça, je sais pas si, peut-être que si j'étais un homme ça se passerait différemment, mais bon, une fois qu'on s'est dit ça, ça m'apporte rien, donc je fais comme si, voilà, enfin je fais mon boulot d'archi le mieux que je peux. Oui. Et vous voyez ça, elle est en train de redessiner chaque dessin. Ça avait quasiment totalement disparu. Et là, ils reprennent en fait tout le côté du bâtiment. Vous avez des petits, ce qu'on appelle des graphites. Et c'est vraiment, enfin, vous n'avez pas vu l'avant, mais je suis très impressionnée de là où ils en sont. Parce que sur celle-là, notamment celle du milieu, il n'y avait plus rien quasiment. Dévié, parqué, canalisé. Les 2,5 millions de Parisiens qui sont revenus de vacances se sont trouvés pris dans un réseau de palissades et de barrières. Paris est devenu une sorte d'immense chantier. 1964. Pétrole ? Non. Poursuite des travaux du métro express. En même temps qu'on élargit avenues et boulevards, on perfectionne la circulation souterraine. Et l'Arc de Triomphe a l'air prisonnier de flèches métalliques. C'est un fait qu'on avait rarement vu autant de grues tendre leurs bras d'acier dans le ciel de Paris. Un peu partout à la fois, le Paris de demain est en train de pousser. Quel sera-t-il ce Paris de l'an 2000 ? Il aura peut-être un petit air de ressemblance avec New York. Quelles sont les étapes du gros œuvre qui vous ont particulièrement impressionné ? Ça a été la pose des menuiseries extérieures. Ça peut paraître bête de poser des fenêtres, mais quand c'est des fenêtres dans un bâtiment qui est protégé par le plan local d'urbanisme, qui font une hauteur impressionnante, tout en bois et dans le respect du bâtiment initial, c'est un moment très important parce qu'il ne faut pas se louper. Donc ça, c'était un moment très important. Et puis, au moment où on a enlevé tout ce qu'il y avait à l'intérieur de l'ancien bâtiment, et qu'on commence à redélimiter les espaces et qu'on commence à voir les volumes dans lesquels les enfants et les gens qui vont y travailler vont évoluer. Ça, c'était vraiment des moments importants. Est-ce que vous avez vu des corps de métier, des artisans dont vous ignoriez le travail avant de les rencontrer ? Alors, je ne sais pas si je peux dire ça. Par contre, moi, je suis toujours impressionnée de voir le travail des couvreurs et des façadiers. Si, il y a un moment quand même où je n'avais jamais vu ça, c'est que quand on est sur ce bâtiment, il y a des petits éléments graphiques sur certaines parties du mur. Et on a une dame qui est venue pour reprendre tous ces dessins qui datent du début du XXe siècle, en essayant de respecter le dessin initial pour les remettre en valeur. Et là, on est vraiment sur du travail de dentelle. Et pour un... Enfin, moi, en tout cas, en tant que maîtrise d'ouvrage chez Grand Paris Aménagement, j'avais jamais vu ce travail-là. Et ça, c'est très chouette d'avoir découvert ce moment-là, parce que ça, je l'avais jamais vu et je pense pas que je le reverrai tout de suite. Donc, je vais prendre un exemple, c'est Chanel. J'ai la chance de pouvoir terminer, ça y est, le 19M, la maison des métiers d'art de Chanel, porte d'Aubervilliers, à mi-chemin entre la ville populaire et la ville bourgeoise. Et vous voyez, on a des façades qui sont des exosquelettes de 24 mètres de hauteur, d'un seul morceau, vous l'avez vu, en béton tressé. C'est une première mondiale, comme d'habitude. Et je dis d'habitude parce que j'ai fait tellement d'ouvrages qui sont des premières mondiales, du Mucem en passant à d'autres ouvrages, que ce soit au Stade Jean Moin, que ce soit au Louvre, etc. Vous pouvez expliquer ce que c'est que le béton tressé? Ben, c'est du béton qui est coulé dans des moules extrêmement complexes, qu'on a dessiné, nous. Et puis, après, il faut fabriquer les moules, il faut pouvoir démouler, donc c'est déjà toute une ingénierie. Et puis, il faut pouvoir faire couler le béton dans ces moules. Il faut se rendre compte que c'est complexe, c'est pas évident. Il faut pas qu'il y ait de poche, il faut pas qu'il y ait de bulage. Donc, il faut chasser l'air. Et après, il faut pouvoir démouler après un certain temps. Et puis après, il faut prendre ces espèces de spaghettis qui font 24 mètres de hauteur, extrêmement fragiles. Il faut pouvoir les mettre sur un camion. Et puis le camion, il faut pouvoir les transporter à Paris sans qu'ils s'abîment. Parce que ça a été fait à Marseille, à Marignane. Eh oui. Ça ne peut pas se faire sur place. Non, oui. Parce que personne ne savait le faire à Paris, c'est tout. Vous devez entendre ça. Personne ne savait le faire. Aucune entreprise ne savait faire ça à Paris. Et ça s'est fait à Marseille avec une entreprise que je connais, avec qui on a expérimenté. Vous voyez, c'est-à-dire la confiance, le temps fait que nous apprenons des choses ensemble. Tout le monde rame dans le même sens. Et projet après projet, j'apprends, nous apprenons avec mon fils qui est ingénieur des ponts et qui est le grand calculateur de tout ça. Ah, vous travaillez avec lui? Oui, ouais. Il a son propre bureau d'études, mais avec Patrick Mazacane, qui est un des savants du BFUP, avec d'autres personnes. L'entreprise, enfin les gens dans l'usine. Et après, il y a un gros travail de méthode pour prendre ces spaghettis, les relever à la verticale, parce que sinon ils peuvent casser. Il y a tout un travail d'outillage pour les relever, et puis les mettre en place, les mettre en charge avec les coursives, etc. Donc il y a un travail au millimètre près. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils savent faire. Ils savent faire la nuit. Vous savez, Chanel, c'est un chantier qui s'est fait la nuit. Les façades sont faites la nuit. Parce que la manipulation de toutes ces charges lourdes, extrêmement fragiles, enfin, fragiles au moment des manipulations. Puis après, lorsqu'elles sont en place, c'est fini. Moi, j'ai eu beaucoup d'admiration. Vous a étonné dans l'atmosphère d'un chantier? La rapidité, la cadence en fait, qui est vraiment, tout est rapide, tout doit être fait pour hier. Marc Elmarge. Moi je cherchais ça aussi, je cherchais vraiment à être dynamique, bouger, j'aime pas être derrière le bureau toute la journée ou bien en télétravail, si c'est le cas, parce que je l'ai déjà testé en stage, donc c'était pas vraiment ce que je cherchais en fin de compte. Et le travail de chantier ou bien de conducteur de travaux ou chargé d'affaires, c'est vraiment la dynamique, passer d'un chantier à un autre, bouger toute la journée, régler des problèmes. C'est ça en fait. C'est tellement général qu'en fin de compte, notre job, c'est juste trouver des solutions aux problèmes et être polyvalent. C'est ça. Plus on avance dans les travaux, notamment les travaux de démolition, plus on découvre des choses qui n'étaient pas prévues. Donc il faut gérer ces aléas-là. Voilà, donc toutes les semaines on arrive et il y a, on va dire, un nouveau problème à régler, mais c'est aussi ce qu'il y a de très stimulant et de stressant. Par exemple, on a découvert une sorte de fosse sous le plancher du rez-de-chaussée, une fosse qui faisait environ 21 mètres carrés par 2 mètres de haut. Bon ben voilà, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a découvert ça? Est-ce qu'on comble? Comment on le fait? Il faut que les différents interlocuteurs, les différents organismes de contrôle valident cette proposition. D'une part, il faut aussi que nos bureaux d'études à nous, parce qu'on est, nous, en tant que maître d'œuvre, on n'est pas tout seul, les archis, on n'est pas tout seul, on a aussi nos bureaux d'études structure, nos bureaux d'études fluides, qui nous accompagnent sur le projet. Donc, dès qu'il y a un aléa, on les consulte, on trouve une solution ensemble avec les entreprises, on confronte nos points de vue, parce qu'on n'est pas toujours d'accord sur la manière dont on règle le problème. On n'a pas tous les mêmes intérêts. Les entreprises veulent que ça aille peut-être vite, que ça leur coûte pas trop cher, la maîtrise d'ouvrage également. Nous, on veut tout ça et que ce soit aussi bien fait, qu'on perde pas trop de temps. Donc les intérêts parfois sont pas toujours les mêmes. Donc trouver une solution, c'est toujours trouver un compromis, le compromis le plus juste. Enfin, la maison de la radio sort de terre face à la tour Eiffel. L'infrastructure avance à grands pas. Ce travail de taupe, une fois terminé, on prévoit le montage en 8 mois de la charpente métallique de la centrale technique et de la tour des collections, haute de 60 mètres. 1958. Ce sera, comme semble le promettre la maquette, le palais de la radio le plus moderne du monde. Le Paris de l'an 2000 est en gestation. C'est pas avec des emplois tertiaires qu'on va sauver le pays, hein. Il faut des bosseurs. Il faut des gens qui se lèvent tôt le matin. Vous savez ce que c'est quand je construisais l'agrandissement du Louvre? Un jour, je parlais avec un grutier. Je le voyais épuisé, il partait. C'est un métier très dangereux, grutier. On ne trouve plus de grutier. C'est des gens qui manipulent avec des instruments, des précisions, des charges lourdes. Ils peuvent tuer quelqu'un. Ils sont à 30 mètres, 40 mètres du sol. 50. Et vous voyez, la visibilité est réduite malgré tous les instruments. Et je voyais ce pauvre, cette âme épuisé, je lui disais, mais d'où vous venez? Il me disait qu'il venait de très très loin dans la banlieue. Et je lui disais, mais vous avez combien de transports pour venir? Il me dit, j'ai 1h30. Il démarre à 7h le matin. Je lui dis, mais à quelle heure vous êtes levé? Il me dit, à 4h30. Et après, le soir, on rebelote, quittait le chantier à 18h, 19h, parce qu'il y avait des heures sup, il arrive à 20h chez lui. Ça vous va? Voilà. Ça, ce sont les héros du récit constructif. Ce n'est pas de la démagogie. C'est avoir un peu de tendresse pour ces gens. Et d'ailleurs, si l'on a de la tendresse pour ces acteurs du travail, ils nous le donnent en retour très largement. Vous savez, lorsqu'on fait des erreurs, nous, les architectes, il faut dire pitié aux entreprises. Il faut dire pitié. Et se mettre même le bras en croix, le corps en croix, à plat ventre. Dire s'il vous plaît, merci, pitié, si ça suffit pas, il faut revenir à la position de génuflexion et pratiquer la fellation à outrance. C'est un secteur d'activité qui est réputé très dur, le bâtiment. Est-ce que vous trouvez en y entrant que c'est à la hauteur de sa réputation, que c'est moins dur que ce que vous imaginiez? Ça dépend de la personne et comment on voit les choses. On peut vraiment paniquer sur chaque imprévu qui arrive et être perturbé et pas savoir comment y procéder. Ou, je peux dire, prendre tout relax et vraiment réfléchir doucement parce que chaque problème a une solution. On ne vit pas dans un monde où vraiment on est bloqué par un truc où on ne peut pas régler. Tout peut être réglé. C'est comment le faire, qu'est-ce qui va impacter le moins et vraiment comment y procéder. C'est juste ça. Donc c'est dur. Ça c'est sûr, mais ça peut ne pas l'être. Une grosse part de ce qui est réalisé disparaît en fait. Luc Weisman. Il y a une loi de la disparition dans le chantier qui est assez ingrate. Hein. C'est un monde un peu d'ingratitude, c'est quand notamment le terrassier ou le gars qui fait les fondations ou qui fait les réseaux enterrés pour alimenter tous les fluides du bâtiment, son travail, il n'est pas très valorisé. Il passe son temps à disparaître. Il a une fierté de ce qu'il fait, mais il n'en parle ni même à ses proches, ni à ses amis, ni autour de lui. C'est quelque chose qui est en dehors. Et de ramener cet en dehors, finalement, dans une conscience qui serait collective, moi, ça me paraît très important aujourd'hui. Juste avant vous, on a interrogé un conducteur de travaux, Clément, qui nous a dit que ces journées commençaient à 7h et se terminaient souvent à 20h. Vous êtes très jeune, mais est-ce que vous imaginez avoir toute une vie, toute votre vie professionnelle, ces horaires-là, et concilier ça avec une vie de famille? Ouf. Ben, tous les conducteurs à travaux que j'ai rencontrés, ils ont une famille. J'avoue, depuis que j'ai commencé, j'ai pas vraiment de vie privée. C'est... Mais je pense que mon cas, il est un peu différent. Parce que moi, j'ai un objectif long terme qui est... en fait, je me vois pas en tant que conducteur de travaux pour longtemps. On va commencer quelque part. Dans mon entreprise, c'est un peu différent. Donc, mon objectif long terme, c'est vraiment de grimper et arriver où est mon patron à l'instant. Et c'est ça c'est l'objectif. Donc, et je sais que je suis jeune et c'est le temps de vraiment hustle. C'est vraiment maintenant où je dois travailler et me mettre à fond. Comme ça, je pourrais, je peux gagner de l'expérience et me préparer pour après, quoi. C'est vraiment maintenant où je dois donner tout. C'est ça. Vous pensez, Aurélie, que les ouvriers, qu'il y a autant d'ouvriers satisfaits ou autant d'ouvriers insatisfaits dans le bâtiment qu'il y a dans d'autres professions des personnes insatisfaites? Ce serait difficile à dire. Parce que toujours pareil, moi j'ai mon regard biaisé de personne qui a choisi ce métier-là, qui le fait par passion et qui a la chance de pouvoir aussi choisir... où je vais travailler, dans quelle entreprise. Enfin, j'ai le choix et je me permets d'avoir ce choix-là. Et donc, ça me permet d'être vraiment très heureuse dans ce métier-là. Mais je pense pas que ce soit le cas de tout le monde, parce que dans le bâtiment, ça reste quand même un métier qui peut être précaire, où beaucoup de personnes n'ont pas forcément choisi de faire ce métier-là. Il y a aussi une grosse partie ingrate du métier. Moi, je vois les choses du côté de l'artisan qui est très valorisé parce qu'il travaille sur des bâtiments anciens où il a une valeur ajoutée vraiment dans son travail. Il y a aussi plein d'ouvriers qui vont travailler sur des chantiers où en fait on leur demande de faire des choses, mais que ce soit eux ou quelqu'un d'autre, où il n'y a pas forcément besoin d'être beaucoup formé, ou alors c'est très répétitif, ou c'est pas forcément valorisé. Et puis aussi, on fait pas forcément ce métier tout simplement par choix. Moi, mon grand-père côté paternel était ouvrier. Enfin, il est marocain et il arrivait c'est un immigré en France. Et donc, il a été maçon parce que je suis pas sûre qu'il ait. Parce que c'était une passion. Enfin, il avait juste pas le choix, fallait bien faire un métier. Donc, lui, il a dû couler du béton et du béton et du béton et être fatigué et ne pas forcément aimer ce qu'il faisait. Mais je pense qu'il y a aussi ce côté-là, cette partie plus à l'ombre du bâtiment ou qui est peut-être moins valorisée. C'est vrai que maintenant, on commence à valoriser ces métiers manuels, mais on les rapproche plus de l'artisanat. Et on voit le côté des personnes qui sont presque artistes dans ce qu'ils font. Les maçons qui vont faire de la belle pierre et tout ça. Mais les maçons, comparés aux peu qui font de la belle pierre, il y en a une quantité immense qui va couler du béton à la chaîne et va faire des travaux beaucoup moins intéressants et gratifiants. Et ça, on peut avoir tendance à l'oublier aussi, que c'est pas un métier facile et que c'est pas un métier choisi par tout le monde et qu'il y en a plein pour qui... Le but, c'est de sortir de ça, et pour qui c'est pas un choix de faire ça. D'ailleurs, quand mon ami architecte avec qui j'ai fait les chantiers bénévoles et moi, on est parti pour faire nos chantiers bénévoles, nos grands-parents ne comprenaient vraiment pas notre choix. Pour eux, architecte, c'était avoir un rang social élevé dans la société, c'était avoir fait des bonnes études. Donc retourner... C'était, pour eux, c'était comme un retour en arrière. C'était une autre génération. Et donc, c'était dur pour eux de concevoir que pour nous, c'était un vrai choix et une vraie envie et une façon de s'épanouir aussi et quelque chose qu'on aimait faire. Mais voilà, c'est en train de revenir. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier aussi les parties du métier plus ingrates. Des gens qui triment et qui font vraiment... Parce qu'il y a le charpentier qui va faire son beau bois et puis il y a l'intérimaire qui ramasse les gravats. Et pour lui, c'est pas rigolo, quoi. Des femmes courageuses, hein. Parce qu'il faut... Quand je dis courageux, c'est pas parce que le bâtiment serait un milieu machiste, ce n'est pas vrai. Les femmes sont très... Moi, j'ai des architectes dans mon bureau, je pourrais dire que personne ne bouge un cil sur les chantiers avec des femmes. Non, mais il y a quand même du vent. Il y a des manipulations dangereuses. Il y a le sable, ça souffle. Il y a des encombrements par des outillages. Il fait très froid l'hiver, il fait très chaud l'été. Vous prenez des rafales de vent qui transportent du sable, des déchets, de bouts de papier, de polystyrène, on prenait plein la gueule. Et les femmes, sur les chantiers, à bord de ça, en treillis, presque, j'ai envie de dire, en treillis de combat couleur jaune, à bord de ça avec beaucoup de courage et de concentration. Mais elles aiment ce qu'elles font. Peut-être parce qu'elles voient un moment de l'épopée de transformation du réel. On n'est plus dans l'abstraction. L'acte de bâtir, c'est un acte de réalité, de réalisation. Et moi, je pense que nous, architectes, ne pouvons plus concevoir sans être au plus près de cet acte de réalité. C'est le sigma du savoir des autres qui nous nourrit. Parce que sinon, dessiner hors la vue de cette conscience scientifique, économique et sociale, des valeurs du métier, des valeurs du travail, fait de nous des assistants et on disparaîtra. Nous disparaîtrons les architectes si nous continuons à être hors la vue des métiers. Et d'ailleurs, c'est le reproche que je fais aux écoles d'architecture, c'est une notoriété connue, c'est que dans les écoles d'architecture, on est dans une abstraction totale. On va pas sur le chantier ? Non, à part les plus courageux qui font des stages l'été, etc. Mais on pourrait dire que la pensée moderniste qui est adossée à l'idée de rupture a développé cette rupture avec la physicalité du monde de l'architecture, d'ailleurs. Ça l'a complètement développé. D'ailleurs, on a inventé des mots pour cette tragédie, par exemple, le mot conceptuel, le mot minimalisme, tu vois, qui crée des distances entre l'architecture et le récit, et même entre l'architecte et ses propres responsabilités. Dans l'horlogerie du monde, j'entends un tic-tac nouveau. Pouvez-vous expliquer ce que vous avez fait au Mont-Saint-Michel ? Oui, alors ça c'est une aventure dans laquelle j'ai été pris un peu, je dirais pas à mes dépens, mais un peu malgré moi, après un concours international d'architecture et d'ingénierie dans lequel j'ai été appelé, enfin, à travailler avec une équipe d'ingénieurs et sur lequel je me suis impliqué comme architecte pendant une dizaine d'années, donc dans le cadre du projet de rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel, donc du projet de désensablement des abords du Mont-Saint-Michel. Ce grand projet qui s'est terminé maintenant depuis à peu près 5 ans. C'était un projet très vaste au sein duquel il fallait réaliser un barrage, ce qu'on a appelé un barrage, qui n'est pas vraiment un barrage en fait, qui est une sorte de verrou hydraulique qui devait gérer l'énergie de la marée pour éviter au Mont-Saint-Michel de s'ensabler et d'être noyé à terme dans les herbus, ce qu'on appelle les herbus, les prairies autour du Mont, et de perdre sa qualité qui est son rapport avec l'univers maritime. Et en 2000 déjà, je disais que l'exaltation du progrès s'était terminée. On n'avait pas à exalter la machine dans un paysage, qu'il fallait au contraire qu'elle se fonde dans le paysage, au profit du paysage. Et là, tout le thème de ce projet, c'est une machine servante qui témoigne de ce que doit être le XXIe siècle au service de la nature, en fait. Et au service d'une mémoire, de la mémoire d'un monument historique, d'une culture et d'un lieu de vie spirituelle. Pas quelque chose qui s'affirmerait comme étant, moi je domine la nature et je mets en scène tout ça, non pas du tout, qui s'écrase dans le paysage, qui disparaît au profit d'une forme contemplative. Donc c'est très différent de notre projet. Enfin, c'est un projet qui est extrêmement atypique, c'est une expérience assez remarquable au niveau de l'équipe qui a travaillé sur ce projet. Là, il y avait relativement peu de monde, c'est un chantier qui était complexe et qui s'est fait par une multitude de phases, de petites phases qui se suivaient les unes les autres. Et par contre, une équipe très soudée, pour laquelle j'ai une admiration sans borne, de compagnons, de chefs de chantier, de maçons, de ferrailleurs, vraiment impliqués dans leur métier, et avec cette omniprésence du Mont-Saint-Michel en face qui donnait au chantier une espèce d'enjeu. Je parlais du sens, mais le fait de travailler pour le Mont-Saint-Michel, qui est une espèce de mythe collectif planétaire finalement, le fait de travailler pour un objet comme celui-là, ou au service d'un objet comme celui-là, donnait à ce chantier-là une dimension très très spéciale. Dans la baraque de chantier, on avait nos réunions de chantier, il y avait une petite fenêtre, et à travers la petite fenêtre, on voyait Mont-Saint-Michel comme une carte postale, donc sous la neige, sous la pluie, au soleil, par tous les temps, plusieurs saisons, comme ça, comme une carte qui se renouvelait. Vous voyez, il y avait la petite fenêtre dans cette baraque en béjasse, là, et un paysage absolument extraordinaire derrière. Bon, ça met une température de la relation des hommes. C'est peut-être ce qui s'est perdu entre les hommes de chantier, c'est la température de la relation, enfin la chaleur humaine qui est... Ça peut être très, très, très rude, très dur, mais c'est aussi très chaleureux et plein de respect, de reconnaissance lorsque les gens sont compétents. Beaucoup de compétences qui se rencontrent. Et sur un chantier comme celui-là, c'est en plus une invention permanente parce que c'est pas la duplication de quelque chose qui aurait existé avant. C'est un projet nouveau, unique, qui sera jamais reproduit et qui oblige à inventer. Un chantier, c'est un lieu d'invention permanente. Lorsque vous empruntez, derrière nous, il y a une photo du viaduc oui. de Millau. Lorsque vous empruntez un pont ou un escalator, vous pensez à la façon dont ils ont été construits? Alors, oui, j'y pense. Mais pour moi, c'est deux choses différentes. En fait, il y a le chantier. Jean-Luc Trottin. Et puis après le chantier, l'ouvrage construit, ça n'est plus un chantier. Ça devient quelque chose qu'on donne à la communauté, qu'on remet à un usage public. Voilà, il aura eu une première vie pendant sa construction avec des gens qui se seront occupés de cette construction. Et puis après, il a une vie de ce pourquoi il a été conçu. Donc c'est pour moi deux choses différentes. Alors oui, j'y pense, mais en même temps, je n'ai pas les images qui se superposent à tel endroit et tel endroit. Mais oui, j'y pense forcément, puisque c'est quelque chose qui est marquant, oui. Vous parliez de la fierté de l'ouvrage en train de se construire. Vous avez dit que c'était que la construction vous attirait plus que les calculs dans un bureau. Les ouvriers partagent la fierté. Oui. Il faudrait leur demander, mais je pense que la fierté, elle est décuplée parce que à leur niveau, ils ont aussi, même si on met à leur disposition des moyens mécaniques, ils ont aussi des efforts physiques à faire. Moi, je suis dans les bureaux. Mais quand j'étais jeune, j'étais 8 heures sur un tunnelier. Le jour, la nuit, on rentre le matin, il fait nuit en hiver. On sort le soir, il fait presque nuit. Et il s'est passé 8 heures. On est souvent en décalage par rapport au reste. Mais cet effort-là, quand les choses avancent, et surtout quand le chantier est terminé, ça se transforme en fierté vis-à-vis de la famille. Et puis, ça devient un souvenir en commun. C'est-à-dire que sur le chantier suivant, si on se retrouve à deux ou trois, ça commence toujours, tu te rappelles ce qu'on avait fait sur tel chantier? Ah oui, et un tel, qu'est-ce qu'il est devenu? Etc. Ça, c'est systématique. On emmène avec nous l'histoire du chantier. Pas l'ouvrage, mais le chantier. Alors, et ça, C'est humain, je crois. Hein. C'est notre histoire, c'est notre histoire commune. On a des équipes qui sont toute l'année en déplacement. Hein, on a des équipes même étrangères. Hein. On a des Polonais qui sont embauchés chez nous depuis des années, qui rentrent régulièrement. À peu près, ils rentrent tous les 7 semaines, ils repartent 15 jours chez eux. On a analysé, on en a discuté avec eux, comment ils voyaient les choses. On voulait les faire repartir tous les mois. Et après, on a trouvé un rythme où ils préféraient partir plus longtemps, tous les 7 semaines. Donc comme ça, on régule ça. Et donc après, ça demande toute une organisation de croisement d'équipes, de partage toujours. Et on a un chef d'équipe qui habite en Vendée, donc qui repart tous les jeudis chez lui. On en a un autre qui habite en Ardèche aussi. Pareil, il fait des voyages, sachant qu'on travaille nous dans notre entreprise dans l'Europe entière. On est même installé en Guyane. Donc on travaille un peu partout, quoi. Lorsque le chantier sera fini, donc à l'automne 2022, les ouvriers ou les compagnons viendront pour l'inauguration? Oui, quand il y a des réceptions, on leur propose de venir, ils viennent ou ils viennent pas. Mais souvent, il y a un petit buffet, quelque chose, et avec les clients et avec toute l'équipe qui était sur le pinceau. Ça arrive régulièrement, mais ça se perd. Il faut avouer que ça se perd. Non, c'est pas moi qui parlais. Pouvez-vous expliquer en quelques mots ce qui va se passer ce matin? Donc ce matin, on s'apprête à faire le levage de la route coupe du tunnelier Valérie qui a fait une partie du projet de la ligne 16 lot 1 pour Eiffage. Et donc on s'apprête à lever la route coupe qui est en fond depuis actuellement, suite au percement qu'on a fait il y a 3 semaines maintenant à peu près. Et on va la poser en surface pour la stocker, pour pouvoir la démonter et l'évacuer en petits morceaux sur un lieu de stockage. Ça mesure combien? Enfin, c'est un engin. 92 de diamètre. Un peu moins de 9 mètres. ici, on a, les rails qui viennent finir pour on va dire le cul-de-sac actuel de la ligne 14. Et à l'avenir, il y aura une connexion pour communiquer donc avec la ligne 14. La roue de coupe, c'est ce... C'est le grand disque qui est... On voit un petit espace qui doit faire à peu près 80 cm d'épaisseur et qui fait à peu près 9 mètres de diamètre. Et on a des bras à l'intérieur qui sont connectés à l'entraînement. Et c'est ça qu'on va venir déposer, déconnecter donc de sa boulonnerie, le pivoter et le lever sur toute la hauteur et venir le stocker à côté de l'on était quand vous êtes rentré. Qu'est-ce que vous avez fait comme étude pour faire le métier que vous faites ? Moi, j'ai un BTS en travaux publics. Et est-ce qu'il y a des machines dont vous êtes plus spécialiste que d'autres ? Tout ce qui est pression de terre et roche dure. Il y a plusieurs types de modes de machines, dont celui donc le mode pression. Pression de terre, c'est le creusement qu'on utilise sur ce projet-là et que j'ai utilisé sur pas mal de projets avant. J'ai fait plusieurs chantiers sur Paris. Combien de personnes travaillent sur le chantier ici ? À peu près 150 personnes pour cette machine-là. Donc il y a à peu près 150 personnes qui se relayent et on travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc on a 5 équipes de production qui se relayent en permanence. Pourquoi c'est un événement important ? Pourquoi deux photographes viennent ? Pourquoi la levée de la roue de coupe est si importante ? Je n'ai aucune idée. Ah, non, parce que c'est un des gros éléments du tunnelier qui se lève en une fois et qui est assez impressionnant, assez imposant. Donc c'est souvent juste pour ça, pour le symbole. Avant d'être directeur de travaux, vous avez exercé d'autres fonctions sur les chantiers ? J'ai commencé tout en bas à faire du pilotage, à donner la main auprès des gars sur le chantier en production. J'ai fait un peu de logistique et j'ai aussi un peu fait de production à gérer les postes de production sur plusieurs chantiers. Donc j'ai évolué au fur et à mesure des années. Et vous aimez votre métier ? Oui. Donc le tunnelier, on lui donne un prénom, on la baptise comme tous les, entre guillemets, tous les engins. Un bateau, il a son nom, il a une marraine. Et donc là, ils ont donc tous une marraine. Et nous, en l'occurrence, celui-là s'appelle Valérie. Et là, c'est donc Valérie Fratellini, la marraine. Baptisés, ils ont toujours des noms de femmes. Et donc, en fait, le choix des noms, elles sont faits par souvent les enfants des territoires. Les territoires où il ira les tunneliers. Et donc, voilà, et donc c'est Valérie Fratellini qui a été choisie. Un groupe d'enfants, de scolaires qui étaient venus à l'Académie Fratellini, parce que nous faisons des spectacles et ils viennent. Et c'est moi qui les accueille à chaque spectacle, donc ils me connaissent. C'est beaucoup plus émouvant que ce que je pensais. Au départ, tout le monde en a rigolé. Et moi, j'ai dit non, et en fait, je suis hyper émue. Je ne sais pas comment, je peux pas expliquer. Je trouve ça beau, et puis je trouve ça tellement humain, ce qui est en train de se passer, là, avec le Grand Paris, que des ouvriers. C'est hallucinant, c'est que de l'humain. Enfin, moi, depuis que je suis là, tous ces hommes et femmes qui sont là, c'est émouvant. Enfin, je ne peux pas dire autre chose. Moi, ça m'a vraiment... Là, voilà. C'est quand même génial. L'objet est magnifique depuis le début. Moi, je vois mais même la machine là pour la lever, c'est magnifique. On dirait une pierre de bijou, on dirait un talisman. On dirait un pendentif, c'est magnifique. Oh là là. Ah, je voulais être là. Hein. Et donc la roue de coupe, ce qu'on voit devant, ce sont des molettes et c'est ça qui creuse en fait. Ouais. C'est ça qui creuse la terre. Regardez comme ça tourne. C'est génial. C'est vrai que la machine qui... La machine est extraordinaire. Ça, c'est incroyable. Des grues comme ça, c'est juste impressionnant. On les voit arriver la nuit, le soir. Et ces deux petites malheureuses cordes, c'est ça qui est dingue. C'est moi, c'est ça, tu vois. C'est ça qui est... Faut vraiment le voir pour le croire, quoi. Les petites cordes, tous les hommes qui sont là, hommes, femmes, qui sont tout autour, ouais, c'est hyper émouvant, hein. Ça nous fait plaisir de voir les gens qui sont impressionnés et qui nous disent « Mais comment vous pouvez travailler aussi longtemps, 8 heures par jour, en souterrain, et est-ce que vous n'avez pas peur que ça s'écroule, que des choses qui, nous sont totalement étrangères depuis très longtemps. Mais c'est sympa, ça. Ça, c'est très sympa. Et à l'entrée de chaque tunnel, on a le jour du baptême, ou en tout cas avant le démarrage du tunnelier, une statuette de Sainte-Barbe qui est très, très particulière, hein, c'est pas n'importe quelle statuette, qui est mise dans une petite loge, voilà, à l'entrée du tunnel, pour protéger les ouvriers de tout ce qu'il pourrait leur arriver en étant sous terre. Voilà. Et ça, c'est une tradition, certes plutôt d'origine chrétienne, mais qui est acceptée par tous aujourd'hui comme un symbole plutôt de... C'est un rituel qui est devenu un rituel professionnel. Voilà. Et cette Sainte Barbe, cette statuette de la Sainte Barbe, elle peut être aussi bénie par un prêtre. Et c'est ce que nous avons fait sur quasiment toutes nos machines. Voilà, un prêtre est venu pour bénir cette statue. Voilà, donc ça, c'est un petit rituel sympathique, même si, encore une fois, on n'a pas déployé tout ce qu'on aurait aimé faire, puisque ça s'est fait dans des circonstances un peu particulières, mais voilà, on n'a pas oublié de le faire. On n'a pas oublié de le faire. L'autre rituel, l'autre tradition, c'est que chaque tunnelier est baptisé du nom d'une femme, et donc qui devient sa marraine. Là aussi, nous avons donc 6 tunneliers et 6 marraines différentes. Puis régulièrement, le 4 décembre, on a la Sainte-Barbe. Voilà. Donc ça, c'est la fête qui nous manque, qui nous a manqué. J'espère que cette année, nous aurons vraiment l'occasion d'en faire une très belle, de manière à ce que là... Nous étions pas loin de 2000 il y a 2 ans, et il y a absolument tout le monde qui... C'est la seule journée où on arrête complètement le chantier, quoi, avec le 1er mai. La fin d'un chantier, c'est un moment particulier. Il y a un chantier à plein de fins, évidemment, parce que les corps d'État arrivent et passent leur temps à partir. Il y a une succession d'intervenants jusqu'aux dernières personnes qui sont les finisseurs, les nettoyeurs. Il y a des équipes de nettoyeurs qui s'arrachent les cheveux à essuyer les plâtres, comme on dit, pendant des heures, qui nettoient tous les déchets, les dernières poussières du bâtiment livré. Et donc les départs se font peu à peu, mais le gros du chantier qui consiste en sa structure, en son gros œuvre, en son enveloppe, ce qu'on appelle le clou et le couvert, mise hors d'eau, quand il se termine, c'est souvent un moment effectivement extrêmement fort. Mais un chantier se termine par une transmission d'un objet qui va être au service de la personne qui l'a commandé, et cette transmission est aussi très belle. Donc il y a ce temps, l'inauguration, qui est un moment de passation de ceux qui ont agi et porté le projet à ceux qui vont s'en servir pour eux-mêmes être aussi au service d'une autre réalité. Je trouve qu'il y a... Il y a une dimension de service qui est extrêmement belle. Et à notre époque, elle confond la servitude et le service. Être au service, ça n'est pas être esclave. C'est être serviteur, c'est servir une cause. Et l'homme de chantier, quelque part, il sert une cause qu'il comprend, qui ne se perd pas dans le magma mondialisé, globalisé du monde actuel, mais qui a une consistance, qui se voit. Et cette visibilité, elle responsabilise, parce que la moindre erreur est payée cash. C'est un moment que vous aimez bien, les fins de chantier, les inaugurations. En fait, c'est pas tant l'inauguration, c'est revenir, repasser devant plus tard et revoir en utilisation. Je suis repassé sur le premier chantier que j'ai fait pour l'IFTIM en 2011. J'y suis repassé il y a 2 ans, qui était une école vers Arpajon, à Bretigny-sur-Orge exactement. Et ça fait chaud au cœur. On voit les petits dessins des gamins dans la partie maternelle. Enfin, voilà, c'est un bâtiment qui a vécu. Et tu vas continuer à vivre encore pendant longtemps, bien sûr. Mais non, ça me fait plaisir. Quand on peut repasser dedans, des fois, on demande si on peut rentrer. Et puis les gens, ils comprennent et ils acceptent. Je préfère ça que l'inauguration, parce que l'inauguration, c'est toujours très officiel. Il y a, surtout sur des gros chantiers comme ça, bon, il va y avoir des personnalités un petit peu replacées, on va dire. Et on n'est pas trop à notre place, non. C'est moins familial. On est charpentier, on fait partie du bon monde quand même. On a toujours cette retenue d'être un petit peu en arrière. parce qu'il y a tous les gens avec leurs costumes et leurs cravates, tout ça. Ça, c'est un peu... C'est chez nous, hein. C'est pas eux qui nous font sentir ça, hein, pas du tout. Hein. Mais on préfère quand il n'y a personne. On l'a vu et on est content. Et que ce soit moi ou que ce soit les compagnons qui sont avec moi, quand on a l'opportunité de repasser là, ouais, ça fait chaud au cœur. Ouais. On sait pourquoi on l'a fait, quoi. Et ça, c'est bien. Est-ce que vous laissez un petit, je pense à cette école, peut-être pas sur cet hôtel, mais un petit signe qui est comme une signature de, non, de votre... Non, avant, on le faisait, quand on cachait des trucs dans les assemblages des fermes. Vous l'avez maintenant, fait ? Je l'ai fait une fois, oui. Et vous cachiez quoi ? On a mis une pièce. Des petits mots. Et c'est quand on faisait beaucoup de rénovations à l'époque sur des charpentes qui étaient très très très vieilles, il y avait les noms des gens. Ils marquaient leurs noms sur les ouvrages. Pour l'entreprise dans laquelle j'étais, on a fait une église à Istres et certains compagnons, s'ils le voulaient, pouvaient avoir leur nom marqué à l'intérieur de l'église comme étant participants du montage. Non, c'est sympathique. Bon, ça reste les petits plaisirs qu'on a, nous, en ouvrier. Hein. C'est notre héritage aussi. Hein. Ça m'est arrivé plusieurs fois de mettre des petits mots. L'année, voilà, je m'appelle Jean-Luc Lemoine, charpentier. Cette année, on a fait la réfection de tel et tel endroit, on a changé ça, on a fait ça. On a un petit mot, on le cache dans un assemblage. Et puis, ou parfois même, on faisait des petites plaques aussi. Des petites plaques gravées, voilà, ou sculptées. J'ai fait deux reprises au pyrograveur un petit mot avec en remerciant et en espérant que mon prochain continuera les réalisations qu'on a faites pour améliorer justement le bâtiment. La personne, si elle revient dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, elle dira « Ah, voilà, il y a quelqu'un qui est passé, qui a fait ça. » Mais ça se fait de moins en moins. C'est vrai. Même sur de petits chantiers ? Même sur de petits chantiers, oui. Ça se fait de moins en moins. Le client, c'est forcément de gros clients ça. Alors, les clients, ça dépend, en fait. Donc, on peut avoir autant des particuliers qui vont vouloir refaire leur intérieur en peinture classique ou déco. Mode. Ça peut être du luxe. Donc, moi, j'ai un peu travaillé dans tous les domaines, hein. Donc... Il y a aussi le luxe, donc on va être plutôt dans des villas, dans des maisons, où là c'est vraiment du haut de gamme, des produits différents. Et à Paris, je travaille aussi en monument historique. Donc là, c'est encore un autre domaine. Ça va être des grands bâtiments où les chantiers vont durer plus longtemps et on est plus dans la restauration. Qu'est-ce que vous avez fait comme chantier de monument historique, comme monument historique ? Ouais. Du coup, en monument historique, du coup, j'ai travaillé plus d'un an au château de Versailles. Du coup, là-bas, on a refait tous les appartements sud. Donc ça, c'était vraiment un chantier immense. Donc on a refait tout ce qui est les grands salons, donc peinture, plafond, et énormément de restauration de marbre. Ensuite, en grand monument, c'est vrai qu'on travaille dans beaucoup... Alors j'ai fait le consulat de Chine... Il y a la Banque de France au Palais Royal. Il y a des belles pièces là-bas aussi. C'est vrai qu'on fait beaucoup. Je réfléchis. J'ai un trou de mémoire. Du coup, en ce moment, je suis au Palais de Justice. J'ai travaillé également au Conseil constitutionnel. Donc voilà, c'est un peu tous les grands bâtiments, finalement, un peu administratifs de Paris. Quel âge avez-vous, Maud ? Moi, j'ai 27 ans. Depuis midi, c'est terminé. Le Mont Blanc a été percé. Dans le tunnel, Français et Italiens se sont serrés la main pour la circonstance, champagne et discours. Mais si vous le voulez bien, avec notre envoyé spécial Michel Enfold, nous allons revoir le film de cet événement. Tout d'abord, c'est Monsieur Giscard d'Estaing, père, qui accueille ses hôtes dans le tunnel quelques minutes avant le percement. Messieurs, dans deux minutes, la dernière explosion marquera l'achèvement du tunnel, de la percée du tunnel du Mont-Blanc. Je vous demande d'abord, à cet instant, de penser aux ouvriers dont le sacrifice a permis ce succès et de vous rappeler que quelques-uns d'entre eux ont laissé leur vie malgré la sécurité assurée au maximum par les services de l'entreprise. Je vous demande aussi de penser à l'admirable réussite technique que représente cet achèvement dans un délai si court. Songez qu'il y a 2 ans à peine, Italiens et Français se mettaient au travail et que, partis à 12 kilomètres les uns des autres, ils se sont rencontrés à, écoutez-moi bien, 5 centimètres près à l'endroit qu'ils avaient prévu. J'ai l'honneur de faire partir la dernière explosion qui permet au tunnel routier du Mont-Blanc d'être une réalité. Messieurs, attention! Messieurs, 1, 2, 3! Le 14 août 1962, à 11h31 exactement, les deux équipes se rencontraient après la dernière explosion. Nous voici précisément, exactement sur la paroi qui vient de s'abattre au moment où les deux équipes s'atteignent. Ce sont des éclairs de part et d'autre, au premier rang évidemment de chaque côté, les photographes, les reporters, les journalistes. Et voici les mineurs italiens qui descendent du côté français, les mineurs français qui attaquent le côté italien. Et ce sont des cris de joie partout, on se serre la main, on se salue, on se congratule. Tout italien, les gens, tout italien, yeah. Peu importe le métier qu'on a, ça nous change la façon de voir les choses. C'est sûr que j'avais même vu déjà, en faisant les études d'architecture, je regardais plus les villes de la même manière, je regardais plus les bâtiments de la même manière. On voit les choses différemment et on conçoit les choses différemment. On comprend aussi des choses. Il y avait des choses qu'on voyait, mais on comprenait pas pourquoi c'était comme ça, notamment par exemple dans les utilisations de l'espace public, dans les bâtiments. Il y a des bâtiments qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent pas, et on a les outils d'analyse qui nous permettent de comprendre les choses. Et maintenant aussi en charpente, même si voilà, et en architecture et en charpente, je n'ai pas beaucoup d'années d'expérience, mais ça suffit quand même pour déjà changer le regard. Et maintenant, voilà, quand je vois des charpentes, je commence à me dire peut-être de quelle époque elles datent, peut-être à voir ces subtilités qu'on ne voit pas du tout quand on n'a pas fait ce métier-là. Est-ce que les bois ont été sciés à la scie électrique, ou est-ce que ça a été scié taillé à la hache, ou enfin on voit les traces d'outils, les traces de marquage. Enfin, on voit les choses différemment et on sait dire ah oui, bah ça date de tel moment, ou ah telle pièce a été rajoutée après telle autre. On arrive à lire les choses, et voilà, c'est ça, c'est le métier. Comme dans tous les métiers, ça nous change le regard et la façon de voir le monde. Partage sa satisfaction et vous félicite et... Alors, c'est vrai que le client va souvent nous féliciter. Bon, ça dépend des clients. Après, moi, j'ai beaucoup travaillé chez des particuliers. Donc, en fait, ce côté relation clientèle va vraiment changer selon si on est dans des gros chantiers, plus petits chantiers ou chez des particuliers. Donc, chez les particuliers, j'ai beaucoup travaillé chez des retraités, par exemple. Donc c'est un peu comme si on s'immisçait dans leur vie pendant quelques mois. Du coup, il y a un rapport assez unique qui peut se créer. Après, les félicitations au sein des gros chantiers, ça peut arriver. Enfin, voilà, j'ai l'exemple sur le chantier où je travaille. Donc je suis en train de refaire des portes. Donc c'est des imitations de chaînes. Et ça a tout de suite en fait provoqué de la joie en fait, pour les usagers et aussi les personnes qui commandaient ça. Ils étaient heureux, ils le disent. Donc, Le fait que vous soyez une femme dans un métier que j'imagine, mais je me trompe peut-être, très masculin, peintre en bâtiment, même si maintenant vous avez un peu changé. C'était compliqué? Ça n'a jamais été vraiment compliqué pour moi. Après, c'est vrai que des fois, il y a des petites situations qui se passent, mais bon, j'ai eu la chance d'avoir aucune mauvaise anecdote. Après, c'est vrai que moi, j'ai commencé très jeune, j'avais 15 ans. Et il y a un petit côté paternel qui se passe, je pense, plus avec une jeune fille qu'un côté macho. Et finalement, chez les peintres, il y a énormément de femmes. Et les collègues sont toujours très corrects et plutôt protecteurs. Ce qui a été plus compliqué pour moi, ça a été plus à Paris. Finalement, on pourrait croire que la capitale, ça va être plus ouvert. Mais là, on m'a le plus fait remarquer le fait d'être une femme, c'est ici. Oui, c'est assez étrange. Et alors, les problèmes que j'ai pu rencontrer aussi, c'est que j'ai évolué niveau responsabilité. Et donc, j'allais gérer des équipes sur des chantiers. Et les architectes, tous les collègues allaient venir me demander comment se passait mon stage ou si les études se passaient bien, alors que moi, ça fait plus de 10 ans que je travaille. Donc ça, c'est, je le prends plutôt à la rigolade. Les chantiers. Virginie Bloch-Lenné et Clotilde Pivin. Avec Alexandrine Delfos, chargée d'opération chez Grand Paris Aménagement. Priscille Joly, architecte. Rudy Ricciotti, architecte. Marc Elmarge, conducteur de travaux. Luc Weisman, architecte. Aurélie Ouzineb, charpentier et architecte. Jean-Luc Lemoine et Jean-Bernard Payet, conducteurs de travaux et charpentiers. Jean-Luc Trottin, ingénieur. Maude, peintre en bâtiment. Et Sophie Le Goupil et Valérie Fratellini. Prise de son, Nicolas Mathias, Jérémy Tuile, Raymond Albuy et Fabien Gousset. Recherche INA, Clary Monac. Mixage, Bruno Mourlan. Merci à Romain Boursier et Anne Bloch-Lenné. Façadier, plâtrière, grutier, charpentière, peintre, maçonne et électricien, LSD, c'est tout pour cette semaine. Bibliographie, lien ou pour nous écouter dans le tunnel, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Bolivier, Anaï Morales et Anne-Lise Signoret. Et pour nous écouter quand vous aurez le temps, il y a le podcast sur l'application Radio France et ailleurs. Et pour nous suivre, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Et la semaine prochaine, nous irons sur les traces des ouvriers arabes militants. Mais demain, à la même heure, c'est grand reportage. Et pour faire patienter vos oreilles jusqu'à lundi, il y a les rendez-vous documentaires du week-end. Une histoire particulière, toute une vie et l'expérience.